fonctionne, tout le monde est présumé innocent. Il y avait une question par là, comment faire pour ne pas être fiché si ça arrive? C'est ça la question. Il ne faut pas exister. Et comment faire pour faire du sabotage si ça arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire contre le fichage? Ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur, il y a quelque chose ensuite qui s'appelle la désobéissance civile. Quand on pense qu'une loi est mauvaise, on peut combattre cette loi. Voilà, ça c'était donc de nouveau un extrait du direct, là, de cette vidéoconférence qui a lieu en ce moment. Là, il faut que je rebaisse un petit peu le gain, parce que ça sera peut-être un petit peu mieux par rapport au niveau sonore d'ensemble. Où est-ce qu'on en est? Ben, sur le chat, ben, il se passe rien, ben, venez sur le chat, hein, je ne me laissez pas tout seul, ou bien alors sur le forum, où là c'est pareil, quoi, vous pouvez, si vous n'arrivez pas à accéder au chat, alors venez sur le forum pour pouvoir discuter. Donc retour nouveau à de la musique. Après Majesté Féline, on passe à Hanky Panky, un groupe que l'on entend d'ailleurs un petit peu comme Majesté Féline, on l'entend un petit peu partout en ce moment, et un titre qui s'appelle HPFF, Hupf. Voilà, ça sonne comme une onomatopée, mais néanmoins, ce n'est pas une onomatopée, c'est l'abréviation de Hanky Panky Funny Family, et donc c'est du rock alternatif, sous licence Creative Commons by SA 2.0 et autoproduit, ça a été inscrit, ben c'est là en fait depuis mars 2006 sur l'archive de Dogmazic, donc là ça fait un bon moment, ça fait un an, deux ans et demi, si je calcule à peu près bien. Donc Hanky Panky Funny Family par le groupe Hanky Panky. We'll be right back. Et donc là, c'était de nouveau un petit extrait quoi, du débat qui a lieu en ce moment en vidéo sur donc, chez humanrights21.org. Donc c'est une vidéo. Donc voici donc l'adresse justement du cast. Hein, si vous pour ceux qui préféreraient changer. Alors ça c'est. Alors une radio qui fait de la publicité pour aller voir le concurrent, c'est pas fréquent, n'est-ce pas? On trouve ça, on trouve déjà pas ça sur les radios commerciales. Donc le stream c'est http://giss.tv.8000/gisslog.ogg.m3u. Donc voilà, ça c'est le. Je vous ai un petit peu. Donc là, je vous ai un petit peu, comment dire, filé donc le tuyau pour aller voir ailleurs. Alors même que je manque d'auditeurs, ça c'est. Sur une radio commerciale, vous n'aurez pas ça, ça n'arrivera pas. Ça, je peux vous l'assurer. C'est absolument pas ce qu'on on est. Les radios commerciales sont toujours. On est toujours les meilleurs, on est toujours leader, etc., etc. Et donc, retour de la musique. Alors, aussitôt, ben, on revient à de la musique, mais n'hésitez pas non plus à venir sur le chat si vous écoutez Radio Dogmazic, hein, parce que c'est là pour ça. Morceau de musique suivant, c'est Jane Birkenau, So Is Jane, de l'album 18 Lust, ou 18 Lust, est-ce qu'il faut le prononcer à la française ou à l'anglaise? C'est sous licence Ses Réactions et c'est sous le net label Mirena. Vous trouvez donc l'adresse http://www.dogmazic.net/Mirena, M-I-R-E-N-A. Ça c'est pour. Et puis bon, il me semble qu'il y a un lien vers un pauvre lieu. Vers un mon pauvre lieu. Alors le morceau So Is Jane a été inscrit le 25 juin 2007 avec Jane Birkenau qui n'a rien à voir avec Jane Birkin, absolument pas, puisqu'en fait c'est de l'électro. Alors donc Jane Birkenau, So Is Jane. un emploi 3 jours pour être déclaré en reprise d'emploi. C'était Jen Birkenau, So is Jen. Et donc c'est une version qui a été, j'ai un petit peu restauré en fait l'audio, hein, faut pas croire, hein, c'est pas simplement que je fais passer des trucs comme ça. Il y a eu un petit traitement sonore et que, alors sur le stream ça va peut-être pas faire de grosses différences, par contre dans la version téléchargeable, la version peut-être pas celle du site non plus parce que là je n'arrive pas à mettre de gros fichiers en ligne. Mais sur la version, alors sur Emule ou bien sur la version en BitTorrent, là, ça va être un format nettement supérieur. Ce ne sera pas du 128 kilobits, ça sera largement au-dessus. Là, ça enregistre en WAVE, donc vous devriez profiter de la qualité du son, de la restauration sonore que j'ai faite. Clear playlist, voilà, il faut. Et donc, puisqu'il n'y a encore personne, les gens ont vraiment peur de venir discuter avec moi sur le chat, bah, il n'y a toujours personne de nouveau. Hein. C'est... Donc, on va continuer sur de la musique. Et là, c'est toute une rafale de morceaux, une belle rafale de Stéphane Roger. Donc, les différents morceaux que j'ai prévus sont de Stéphane Roger. Alors, Electro Dream. Petite étude de rythme, la minute du couillon et le cri, qui sont sous quelle licence? Alors, Electro Dream, c'est sous Creative Commons by NCND 2.0, l'étude de rythme, licence art libre, la minute du couillon, c'est nouveau du Creative Commons by NCND, et puis de nouveau de la licence art libre pour le cri, voilà. Donc ces morceaux ont été mis en ligne, ont été composés en fait, le 5 août 2007, le 29 août 2007, 15 août 2007, tout ça, ça date à peu près de la même époque, sauf le cri qu'il a, lui date du 28 mars 1996, même s'il n'a été mis en ligne qu'en juin de l'année dernière. Donc on commence en fait par des morceaux relativement récents qui ont à peu près un an, et puis un morceau qui date d'il y a 12 ans, 12 ans et demi. Electro Dream, petite étude de rythme, la minute du couillon et le cri. Voilà les morceaux que j'ai prévu de passer. Donc on va couper le son ici, hop, pour pouvoir faire passer le son ici. Quelques élucubrations pianistiques, là, qui ne font pas de mal, ça fait du bien. Faut juste pas être trop cardiaque, là, sur la fin, c'est tout. C'était donc Stéphane Roger avec, dans l'ordre, la Electro Dream, petite étude de rythme. Là, on est en plein dans le jazz. La minute du couillon et le cri. Et là, on était passé à de la musique classique, avec un petit côté ragtime en même temps. Donc, on n'avait pas tout à fait quitté le jazz. Donc, sur le chat, venez, venez, venez sur le chat, planning de la radio. Là, vous, en dessous de l'autruche et de la petite radio, en haut à gauche. De l'accueil de dogmasic.net. Donc vous cliquez sur planning de la radio, ensuite vous cliquez sur le bouton accès au chat en Java pour pouvoir discuter en direct avec l'animateur, ou bien d'ailleurs vous pouvez aussi vous servir du chat en dehors des émissions, c'est pas interdit d'ailleurs, hein. C'est pour toute discussion. Ça évite par exemple si vous n'avez pas envie que ça se retrouve sur le forum tout simplement. Et puis si la messagerie privée serait trop lente, ça peut aussi servir à ça, en vous donnant rendez-vous avec d'autres personnes. Donc, on passe ensuite à un tout autre genre musical. Là, maintenant, voici, ça va être purée, non, guitare, oui. Donc, Eddie Van Jay and Piggy Pop. Guitare avec 3 A et purée de patates à aluminium, part 2, moulinet. Les deux cas, c'est du noise. Et la première est sous Creative Commons by NC 2.0 et la deuxième, Creative Commons by NCSA 3.0. Puisqu'il s'agit, en fait, la deuxième, c'est un remix, en fait, de la purée de patates à aluminium de Alexis Chateaugris et Eddie Van Jake, Piggy Pop, qui a remixé ça pour l'album Gehorschen. Le premier, guitare, avec 3 A, c'est dans l'album Improvimental. Donc, juste attendez que je vide la liste, tac, on passe à l'autre, clic, clic, on sélectionne. Il n'y a plus qu'à envoyer la guitare et la purée de patates. Tagada!